Lettre 26e, Evelina à M. Villard, Howard Grove, 27 avril. Je vous écris, mon cher monsieur, dans la plus grande agitation. Madame Duval vient de me faire une proposition qui me met dans une frayeur mortelle. Vous la trouverez vous-même aussi inattendue que révoltante. Après avoir passé quelques heures de cet après-dîner à lire des lettres qu'elle a reçues de Londres, elle m'a fait prier d'aller la trouver dans sa chambre. Je m'y suis rendu aussitôt et l'ai trouvée de fort bonne humeur. « Approchez, me dit-elle, mon enfant. J'ai d'excellentes nouvelles à vous apprendre. Vous en serez étonné, ravi, je gage, car vous n'en avez aucune idée. » Je la priais de bien vouloir s'expliquer, et alors elle s'est donnée pleine carrière. Elle était fâchée, disait-elle, qu'on eût fait de moi une misérable villageoise, une vraie poule mouillée, tandis que j'étais destinée à être une grande et belle dame, qu'elle avait déjà eu souvent à rougir de moi, quoique pourtant la faute ne fût pas de mon côté, et qu'on ne pouvait guère attendre mieux d'une fille qui avait été claquemurée toute sa vie, qu'en attendant elle avait formé un projet qui ferait de moi une toute autre créature. J'attendais avec impatience à quoi mènerait ce préambule, mais quelle fut mon épouvante lorsqu'elle m'informa que son intention était de faire valoir mes droits en justice et de réclamer les biens de ma famille. Il serait difficile de vous peindre ma consternation, j'étais hors d'état de proférer une seule parole. Elle s'étendit au long sur les avantages qui me reviendraient de l'exécution de ce plan. Elle parla avec enthousiasme de mes grandeurs futures, en me faisant sentir combien je pourrais mépriser alors toutes les personnes avec lesquelles j'étais accoutumé de vivre jusqu'ici. Elle me prédit les partis les plus brillants et des alliances avec les premières familles du royaume. Enfin, elle observa qu'il me fallait passer quelques mois à Paris pour y achever mon éducation. Elle ajouta encore qu'elle se réjouissait d'avance de partager avec moi le plaisir d'humilier l'orgueil de certaines gens et de leur montrer qu'elle n'est pas femme à être méprisée impunément. Au milieu de cet entretien, on vint nous appeler pour prendre le thé. Madame Duval était dans la joie de son cœur et moi, je ne fus pas la maîtresse de cacher mon émotion. Tout le monde m'en demanda le motif. Je cherchais à détourner la conversation, mais Madame Duval était décidée à pousser sa pointe. Elle déclara que dans peu, je ne porterais plus le nom d'Anville sans qu'il fût question de le changer par mariage. Il me fut impossible de tenir ferme et j'étais sur le point de quitter la chambre quand Lady Howard, s'apercevant de mon embarras, pria Madame Duval de remettre cette affaire à un autre temps. Mais elle était trop pressée de divulguer son secret pour admettre le moindre délai. Je sortis donc et lui laissai le champ libre, comme je l'observe chaque fois qu'elle se met à parler de ce qui me regarde. Elle s'en acquit ordinairement avec une dureté qui me fait souffrir le martyre. J'ai appris depuis par Miss Mirvan quelques détails de cette conférence. Madame Duval a développé son plan avec la plus grande complaisance, se félicitant beaucoup de l'avoir conçu. Elle n'a pas longtemps joui cependant de cet honneur, puisqu'il lui est échappé peu après que c'était proprement les Branton qui étaient auteurs de ce projet et qui lui en avaient fait la première ouverture dans une lettre qu'elle a reçue aujourd'hui. Elle a ajouté qu'elle ne s'amuserait pas à de longs détours, mais qu'elle irait droit en besogne et qu'elle entamerait incessamment une procédure pour constater ma naissance, mon vrai nom et mes droits à la succession de mes ancêtres. N'admirez-vous pas l'impertinence officieuse de ces Branton? Qu'ont-ils besoin de se mêler de mes affaires? Vous ne sauriez croire combien de troubles ce projet cause à Howard Grove. Le capitaine, sans avoir rien examiné, s'est déclaré absolument pour la négative, uniquement pour contrecarrer Madame Duval. Ils ont débattu cette matière avec chaleur. Madame Mirvan a dit qu'elle n'embrasserait aucun parti avant que d'avoir pris votre avis. Mais Lady Howard, à ma grande surprise, avoue hautement qu'elle en est de l'opinion de Madame Duval. Elle vous en écrira pour vous communiquer ses raisons. Quant à Miss Mirvan, cette moitié de moi-même partage mes craintes et mes espérances. Moi-même, je ne sais que dire ni que souhaiter. J'ai senti souvent combien il est cruel d'avoir un père et d'être banni à jamais de sa présence. Mais aussi, j'ai compris plus d'une fois combien cet éloignement m'est peut-être avantageux. Cependant, l'idée d'être négligé de l'auteur de mes jours, au point qu'il ne daigne pas s'informer de la santé, du bien-être, pas même de l'existence de sa fille, cette idée, dis-je, me poursuit et m'accable. Sans vous, un pareil abandon me deviendrait insupportable. Vos bienfaits m'ont empêché d'en sentir toute l'amertume. Mais quelle doit être la situation de ce père qui me renie? Ne dois-je pas le plaindre? Il faudrait que je fusse dépourvu non seulement de toute piété filiale, mais même de tout sentiment d'humanité si un tel souvenir ne me déchirait l'âme. Je le répète, monsieur, je ne sais ce que je dois désirer. Réfléchissez pour moi et souffrez que mon faible cœur, qui ne sait de quel côté tourner ses espérances, ne reconnaisse d'autre guide que votre prudence et vos bons conseils.